J'étais alors rédacteur en chef du Fanal des Charentes, et je voyais Morin, chaque soir, au café du commerce. Dès le lendemain de son aventure, il vint me trouver, ne sachant que faire. Je ne lui cachais pas mon opinion. « Tu n'es qu'un cochon, on ne se conduit pas comme ça. » Il pleurait. Sa femme l'avait battu. Il voyait son commerce ruiné, son nom dans la boue, déshonoré, ses amis, indignés, ne le saluant plus. Il finit par me faire pitié, et j'appelai mon collaborateur, Rivet, un petit homme goguenard et de bon conseil, pour prendre ses avis. Il m'engagea à voir le procureur impérial qui était de mes amis. Je renvoyai Morin chez lui et je me rendis chez ce magistrat. J'appris que la femme outragée était une jeune fille, mademoiselle Henriette Bonnel, qui venait de prendre à Paris ses brevets d'institutrice et qui, n'ayant plus ni père ni mère, passait ses vacances chez son oncle et sa tante, brave petit bourgeois de Mauzé. Ce qui rendait grave la situation de Morin, c'est que l'oncle avait porté plainte. Le ministère public consentait à laisser tomber l'affaire si cette plainte était retirée. Voilà ce qu'il fallait obtenir. Je retournai chez Morin. Je le trouvai dans son lit, malade d'émotion et de chagrin. Sa femme, une grande gaillarde, osseuse et barbue, le maltraitait sans repos. Elle m'introduisit dans la chambre en me criant par la figure. « Vous venez voir ce cochon de Morin ? Tenez, le voilà le coco !» Elle se planta devant le lit, les poings sur les hanches. J'exposai la situation, et il me supplia d'aller trouver la famille. La mission était délicate. Cependant, je l'acceptai. Le pauvre diable ne cessait de répéter. « Je t'assure que je ne l'ai même pas embrassé, non, pas même, je te le jure !» Je répondis, « C'est égal, tu n'es qu'un cochon. » Et je pris 1 000 francs qu'il m'abandonna pour les employer comme je le jugerais convenable. Mais, comme je ne tenais pas à m'aventurer seul dans la maison des parents, je priai Rivet de m'accompagner. Il y consentit, à la condition qu'on partirait immédiatement, car il avait, le lendemain dans l'après-midi, une affaire urgente à La Rochelle.